Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Laure Gaudreau, pionnière du syndicalisme enseignant au Québec. En 1956, on rencontrait encore 2269 institutrices qui recevaient un traitement variant entre 600 et 900 piastres. Les salaires n'étant pas élevés, n'intéressent pas les jeunes filles diplômées à s'engager, s'enrôler dans l'enseignement du milieu rural. Laure Gaudreau à l'émission Point de mire en février 1958. Toute sa vie, Laure Gaudreau va se battre pour qu'on améliore les conditions salariales des enseignantes qui travaillent en milieu rural. Pour elle, l'équation est très simple. Si on veut offrir une éducation de qualité aux enfants qui fréquentent l'école en milieu rural, il faut d'abord offrir à leurs enseignantes de meilleures conditions de travail, des conditions comparables aux enseignantes qui, elles, travaillent en ville. Pour elle, c'est une question de justice et d'égalité des chances dans l'accès à une éducation de qualité. J'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec Laure Gaudreau, pour qui j'avais une profonde admiration. Elle habitait la Malbaie et mon mari était député de Charlevoix. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion et la chance de faire sa connaissance et de l'aider dans son travail. C'était effrayant. Les maîtresses d'école, il y en avait qui avaient 150 $ pas par mois, hein, par année. Puis il y en avait une qui avait jusqu'à 75, des sommes folles, parce qu'elle habitait chez son père, qui était un fermier. Et Mademoiselle Gaudreau était outrée, avec raison, de ce genre d'occupation pour ces femmes-là. Elles étaient obligées de faire la classe à 8 classes, de chauffer la fournaise le matin avant que les écolières arrivent. Et puis, elle travaillait d'une façon énorme. Alors, Mademoiselle Gaudreau a réussi à les organiser. Et je me rappelle d'être allée avec elle souvent dans les assemblées. La militante pour le droit de vote des femmes, Thérèse Casgrain, à l'émission Ni plus ni moins, en février 1975, pour nous présenter le parcours de cette pionnière du syndicalisme enseignant qu'a été Laure Gaudreau. Je reçois Aurélie Langteau, qui est chroniqueuse au Devoir et rédactrice en chef de la revue Liberté. Aurélie Langteau, bonjour. Bonjour. Quelle importance, quelle place elle occupe, Laure Gaudreau, dans la grande histoire des femmes au Québec? Bien, elle occupe une place très importante, mais c'est aussi une grande méconnue. Hein? C'est oui. Vraiment la pionnière du syndicalisme des institutrices en milieu rural. Elle est la première qui tente de fédérer et de rassembler ces institutrices-là. Elle a largement contribué à jeter les bases du syndicalisme enseignant en général au Québec. Et puis, bien, évidemment, puisqu'elle défendait des femmes, elle a un apport à la cause des femmes, mais elle est assez peu reconnue, finalement. Oui. Et avant même de devenir syndicaliste, ce qui est intéressant, c'est que s'intéresser à Laure Gaudreau, c'est s'intéresser aux conditions dans lesquelles pratiquaient ces institutrices. Et elle en sera elle-même une institutrice. Elle en sera elle-même une. Dès toute petite, elle sait qu'elle veut faire des études. Donc, elle vient d'un milieu rural. Elle vient du petit Rancenigol, qui est aujourd'hui la municipalité de Clermont, près de la Malbaie, dans une famille de 9 enfants. C'est à sa mère qu'elle doit les bases de son instruction parce qu'elle ne fréquentait pas la petite école pour la très simple raison qu'il n'y en avait pas dans le Rancenigol. Son père et sa mère vont encourager leur fille à lire, à apprendre à lire, à écrire, mais ce n'est vraiment pas systématique dans son milieu. Elle doit même demander à sa marraine, lui écrire du haut de ses 10 ou 11 ans pour lui demander de lui payer l'école. Et finalement, on l'enverra à l'école normale. Mais ce n'est pas du tout habituel et elle sait très vite que si elle étudie, ça l'amènera vraisemblablement vers une carrière d'institutrice. Ouais. Mais très tôt, on la met en garde. On lui dit, tu sais, les conditions de travail des institutrice, principalement en milieu rural, c'est vraiment très difficile parce qu'à l'époque, ces femmes-là sont littéralement laissées à elles-mêmes et à leur école. Il n'y a pas vraiment de structure pour les aider. Elles sont très, très, très mal payées. Elles sont souvent appelées aussi à tenir toute une gamme de rôles dans la communauté, simplement parce que personne d'autre peut les remplir. Elles vont, par exemple, être responsables d'écrire les lettres importantes pour d'autres personnes de la communauté qui ne pourraient pas écrire. Elles sont chargées de veiller les morts, d'accomplir toute une série de tâches en lien avec l'accompagnement ou l'aide aux enfants. Hein. C'est à la fois des institutrices, mm-hmm. des travailleuses sociales avant la lettre. Elles sont responsables d'entretenir l'école. Hein. Elles doivent faire le ménage, doivent pelleter la neige dehors. Et c'est une vie qui est très solitaire, qui est menée par des femmes qui ont généralement moins de 20 ans et on déconsidère beaucoup leur travail. En fait, les institutrices laïques, on voit leur travail comme étant une espèce de passe-temps en attendant qu'elles se marient. Ah ouais. D'ailleurs, si elles se marient, on les oblige à abandonner leur travail. Donc, c'est ça les perspectives qui s'offrent à elles. Il y a des auditeurs sûrement qui se souviennent, puis ça fait un peu caricatural de le dire, mais de la série Les filles de Caleb, c'est ça, là. C'est l'institutrice qui elle-même doit, à même ses maigres gages, payer le bois de chauffage, cette travailleuse sociale dont vous parlez, c'est ça les conditions de l'époque. C'est exactement ça. Et pourtant, pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas la vocation religieuse et qui veut apprendre à lire et écrire, c'est à peu près au début du 20e siècle, donc là, en 1906, que Laure Gaudreau termine son école normale. Donc, on est quand même à une autre époque. Et à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'autres débouchés professionnels pour une jeune fille qui est lettrée. Et puis, normalement, l'école normale suffit pour passer le brevet d'enseignement. Mais Laure Gaudreau va, elle, insister pour poursuivre ses études dans un couvent à Québec, simplement parce qu'elle termine lorsqu'elle termine l'école normale, elle a 15 ans et elle est trop jeune pour passer le brevet d'enseignement. Donc, elle va aller vivre à Québec pendant quelques années pour faire son éducation au couvent avant de revenir dans sa région natale pour y enseigner. Ouais, et elle enseigne donc, et là, elle découvre les conditions qu'on a un peu décrites de l'enseignement. Elle enseigne jusqu'en 1929. Elle quitte à ce moment-là l'enseignement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devient à ce moment-là, Aurélie Langteau? À ce moment-là, elle va devenir journaliste. Hein? Et c'est intéressant parce qu'elle n'avait pas particulièrement envie d'abandonner sa profession d'institutrice. Elle y était très heureuse, même si c'était effectivement très, très difficile. Et puis, simplement pour se mettre en contexte, elle explique que lorsqu'elle arrive à 16 ans pour enseigner dans une école, les élèves à qui elle doit enseigner ont à peu près son âge. Hein? Ouais. Et donc, c'est très difficile, non seulement les conditions matérielles dans lesquelles elle doit enseigner, mais c'est très difficile pour elle d'asseoir son autorité. Elle a beaucoup de mal. Ensuite, elle va essayer de tester sa vocation religieuse, sachant que si elle devient une institutrice qui fait partie d'une congrégation religieuse, elle aura peut-être des conditions de travail un peu meilleures malgré la relative austérité de la vie religieuse. Ça ne lui convient pas. Et ensuite, elle se rend compte qu'en milieu rural, enseigner, c'est trop difficile. Elle a une santé fragile. Et on lui offre un poste de journaliste au Progrès du Saguenay, qui est à ce moment-là un quotidien et on cherche quelqu'un pour faire des tâches de secrétariat, mais aussi pour s'occuper de la page féminine et de la page dédiée aux enfants. Elle va tenir une chronique dans la page féminine avec le pseudonyme Cousine Laure et lorsqu'elle s'adressera aux enfants, elle s'appellera Tante Cécile. Évidemment, ouais. Lorsqu'elle parle aux enfants, disons que son ton d'institutrice finit par prendre le reçu, ce qui a des vertus pédagogiques non négligeables. Mais dans sa chronique qu'elle signe du nom de Cousine Laure, eh bien là, elle va vraiment développer une pensée critique sur les conditions de travail des institutrices et elle va se mettre à les défendre ouvertement dans les pages du journal et à appeler à la mobilisation. Voilà, aussi. On voit l'espèce de crescendo. Il faut dire qu'en 31, elle retourne à l'enseignement, mais elle continue donc d'écrire dans les pages du journal. Mais cette courbe-là, on la voit bien. Là. On lit ses chroniques et l'espèce de militante, de cet appel au regroupement, on le voit. Là. On le voit tout à fait et c'est directement alimenté par les lettres que lui écrivent ses lectrices, en fait. Parce qu'en ayant cette tribune-là, c'est un quotidien puis ensuite un hebdomadaire parce que c'est pour ça qu'elle doit retourner à l'enseignement parce que le journal a des difficultés financières, devient un hebdomadaire. Elle doit avoir une tâche d'enseignement pour pallier la perte de revenus. Mais toujours est-il qu'elle reçoit énormément de lettres d'institutrices qui lui parlent de leurs conditions de travail. Et puis, ça finit par ratisser assez large. Là. On est la région du Saguenay, mais Charlevoix aussi. Et elle se rend compte qu'en fait, la situation, elle est pire qu'elle pensait et qu'elle est largement partagée et que c'est complètement absurde qu'il n'existe aucun moyen de fédérer ces revendications-là ou simplement de faire entendre ces besoins-là. Il n'existe à cette époque aucune structure associative. Là. Et elle va lancer cette idée, au fond, lancer une espèce d'appel à la mobilisation. Créons quelque chose, créons une association, mais qui? Ouais. Et étrangement, c'est un homme qui va lui répondre. Oui, absolument. Alors, elle va, au fil du temps, avoir des propos qui ressemblent de plus en plus à des appels à la mobilisation. Et en fait, dans ses chroniques, elle en vient même à esquisser une structure qui pourrait servir à rassembler les institutrices. Et puis, c'est le rapporteur général du département de l'instruction publique qui va lui répondre à même les pages du Progrès du Saguenay. Et il va dire, ben, Madame Gaudreau, vous posez la question qui devrait entreprendre cette tâche de fédérer les institutrices rurales, mais de toute évidence, nul n'est mieux placé que vous pour le faire. Et puis, en fait, cette réponse ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Elle va se mettre concrètement à y penser en se disant « Ben oui, c'est moi qui vais entreprendre cette tâche. » Et puis, dès octobre 1936, ben, elle va insister pour faire une intervention à la conférence pédagogique du district de Charlevoix-Est, où elle va proposer qu'il y ait une instance associative qui soit créée pour les institutrices rurales. On propose de l'appeler l'Association catholique des institutrices rurales de la province de Québec. C'est adopté par les personnes présentes. Et là, déjà, on s'est doté d'un projet de structure. Mm-hmm. Ouais. Donc, l'association, elle naît en 1936, à la Malbaie. L'année suivante, va naître la Fédération catholique des institutrices rurales de la province de Québec. Le succès de la Fédération, il faut le dire, est immédiat, même si le travail de recrutement des institutrices, vraiment, c'est un travail de terrain. Il faut aller les chercher une par une. On écoute Stéphanette Potvin-Tardif, qui a été une ancienne collaboratrice de Laure Gaudreau, parler de ce travail de recrutement, mais aussi du contexte dans lequel va être créée cette Fédération à l'émission Le chemin des écoliers d'autrefois et d'aujourd'hui, diffusée en janvier 1979. Elle a fondé elle-même un syndicat, un groupement, la Malbaie. Et elle s'est mise dans la tête de fonder une fédération. Et à ce moment-là, la loi des syndicats professionnels demandait pour fonder une fédération, il fallait avoir 3 syndicats incorporés. Alors, elle a rencontré Mademoiselle Monette, qui avait un syndicat incorporé, Mademoiselle Abina Desbiens à Jonquière, qui avait un syndicat incorporé, et elle-même, en fondant un à la Malbaie, ils ont fondé la première fédération des industries rurales. Ensuite, elle s'est mise à parcourir la province. C'était difficile d'entraîner les institutrices qui avaient peur, qui étaient dans des petits patelins, qui étaient filles de la paroisse, qui étaient dirigées par le curé de la paroisse, par les institutions religieuses, qui enseignaient dans les écoles avec les religieuses, qui ne voulaient pas s'éloigner non plus de leurs parents, parce qu'à ce moment-là, la pension était moindre, les salaires étaient tellement bas qu'ils n'étaient pas capables de payer pension. Alors, quand ils avaient la chance d'enseigner dans leur patelin où ils n'avaient pas à payer pension chez leurs parents, bien, c'était des avantages, ça. Et elle a eu à lutter contre tout ça. Mais elle était tellement convaincante, tellement dynamique qu'on était, emballés, franchement. On sortait enthousiasmés de ces réunions-là. Alors, le dynamisme de Laure Gaudreau, dont parle Stéphanette Potvin-Tardif, va être très, très vite contagieux. Et le succès, Aurélie Langteau, de la Fédération catholique des institutrices rurales de la province de Québec va très rapidement se manifester. Bien oui, absolument. Très vite, et même si le travail de recrutement est très, très difficile, ça va faire boule de neige et ça ratisse assez large géographiquement aussi. Là, on va être capable de rassembler des associations à Jonquière, à Baie-Saint-Paul, à Thetford Mine. En fait, en moins d'un an, la province va compter 13 associations d'institutrices qui rassemblent 600 institutrices. Là. Donc, c'est dire que ça répondait vraiment à un besoin qui était urgent. Et le tout avant même qu'on soit reconnu comme une structure associative officielle. Là. Juste, ouais. Disons, l'accord de principe là, a été donné automatiquement. Et on constatait, plus on se rassemblait, que les défis étaient vraiment les mêmes d'une région à l'autre et qu'il y avait un besoin criant de faire valoir les revendications des institutrices rurales, non seulement pour les conditions de travail de ces femmes-là, mais aussi pour la qualité de l'instruction qu'on est capable de dispenser dans les régions rurales. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, l'instruction en milieu rural repose sur ces femmes-là. Et puisqu'elles ne sont pas à même de faire bien leur travail, bien, ça contribue à aggraver le retard qu'a la population francophone en matière d'alphabétisation par rapport à la population urbaine et la population anglophone. Déjà, dans les années 30, on constate qu'il y a un écart qui est assez marqué, et c'est à mettre en lien avec les piètres conditions dans lesquelles sont entretenues les écoles. Ouais. Deux poids, deux mesures, vraiment. C'est un système à deux vitesses. Là, l'école en milieu rural et les conditions des enseignants, ça n'a rien à voir avec l'école en milieu urbain à ce moment-là. Ça n'a rien à voir, et l'éducation... Et en fait, là, ces écoles-là, évidemment, ce sont des institutions laïques. Hein. Donc, on comprend qu'ils sont tenus, en fait, par des institutrices laïques. Donc, on comprend que ce n'est pas nécessairement bien vu par l'Église, ouais, ni même par le gouvernement, ce qui rajoute une difficulté, hein, pour faire valoir les revendications de ces institutrices-là. Mmh. Parce que, comme je disais plus tôt, ces femmes-là qui dédient leur vie à l'enseignement, mais qui ne sont pas des religieuses, on voit ça un peu mal. On se dit que non, elles font ça en attendant de se marier, mais le mieux, ce serait quand même qu'elles se marient puis qu'elles laissent faire ça, ces affaires d'enseignement-là. Oui. C'est le contexte, c'est l'époque, et l'époque, c'est politiquement. Ce ne sera pas que lui avec qui aura affaire Laure Gaudreau, mais ce sera beaucoup Maurice Duplessis. Et cette bataille qu'elle va mener, forcément, ça passe par l'arène politique. Comment elle va réussir à composer avec les cercles politiques et la mentalité de l'époque? On écoute à ce propos l'historien Serge Gauthier à l'émission « Si on prenait le temps » en mai 2005. Maurice Duplessis qui disait, bon, pour rappeler l'anecdote, parce qu'il y en a plusieurs sur Maurice Duplessis, mais là, il disait « Je ne négocie pas avec des vieilles filles. » Alors, mm-hmm. Vous savez, les instruits rurales, c'était comme ça qu'ils les considéraient. « Vous êtes des vieilles filles, et puis je ne perdrai pas mon temps avec des vieilles filles. » Alors, elles allaient régulièrement au Parlement faire des revendications. Elles écrivaient des lettres. Le nombre de lettres que Laure Gaudreau a pu écrire au gouvernement et à Maurice Duplessis, ça doit être fort impressionnant. Donc, elle s'est opposée à lui. Il y a eu des négociations. Entre autres, il leur a retiré l'arbitrage aux instruits rurales. Et on pense, entre autres, que c'est dû au fait que ce soit Laure Gaudreau, qui n'était pas une syndicaliste facile à manœuvrer, qu'eux aussi par le fait que Duplessis, il disait évidemment que l'éducation, c'était comme la boisson. Hein, ça ne faisait pas à tout le monde. Donc, il n'était pas très intéressé à ce que les gens des campagnes soient très instruits. D'autre part, ben, les cultivateurs eux-mêmes n'étaient pas très intéressés à ce que leurs enfants étudient trop longtemps, de telle manière qu'ils ne travaillaient pas sur la ferme. Que dans le fond, c'était rentable d'avoir beaucoup d'enfants dans ce temps-là. On les faisait travailler. Ben oui. Il ne fallait pas trop les éduquer. Duplessis avait beaucoup d'appui dans les campagnes là-dessus. Et Laure Gaudreau, ben, elle disait non. Les enfants des campagnes doivent avoir droit à l'éducation comme ceux des villes. Mais il y avait deux régimes. Hein. Les enseignants des villes, eux, ils avaient droit à l'arbitrage syndical et ceux des campagnes n'avaient pas droit. Alors imaginez que Laure Gaudreau, elle était traitée un peu moins bien parce qu'elle originait de la campagne. Alors on y revient à cette espèce de système double, de deux poids, deux mesures. Les écoles en milieu rural qui sont défavorisées par rapport aux écoles en milieu urbain. Mais au-delà de ça, revenons sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette bataille politique, parce que c'est par là que ça passe. C'est une histoire d'avancée et de recul aussi pour Laure Gaudreau. Comment ça va se passer? Alors, déjà en 1937, alors là, Laure Gaudreau a jeté les bases de son association. Ça a remporté le succès qu'on a mentionné déjà. Mais il faut maintenant se faire entendre auprès de l'autorité politique. Et elle, qui ne manque vraiment pas de front, décide qu'elle va se rendre à Québec avec une petite délégation d'institutrices pour rencontrer le ministre Albini Paquette, qui est député de la Belle et à ce moment-là ministre de la Santé, parce qu'évidemment, il n'y a pas de ministre de l'Éducation. L'instruction publique est répartie entre différents ministères, organisée sans réelle cohérence, ce qui n'aide pas évidemment à faire valoir les programmes éducatifs et à défendre les conditions de travail des enseignants. Mais donc, elle se rend à Québec, cognée à la porte du ministre et exposée les revendications carrément là. Elle s'invite comme ça des institutrices en parlant des revendications salariales, mais aussi en parlant du traitement qui est réservé aux institutrices dans le discours politique et public, hein, en dénonçant le fait qu'on les dénigre beaucoup et qu'on ne reconnaît pas leur travail. Et les institutrices, à ce moment-là, vont être reçues avec beaucoup de nonchalance. On ne prendra pas au sérieux ce qu'on leur dit. Et elle va quitter le bureau du ministre en disant « Rappelez-vous, monsieur, que les ministres passent, mais que les associations demeurent. » Et ça, quand même, je trouve que ça résume vraiment bien l'importance que peut avoir le mouvement syndical ou les mouvements associatifs en général dans la lutte politique, et elle l'avait très bien compris. Elle sera tenace, cela dit, il y aura des gains, mais c'est vraiment une danse, on fait un pas devant, on recule de deux pas, ça va être un peu ça la dynamique. Ça va être un peu ça la Duplessis dynamique. Duplessis est coriace, il faut le dire. Duplessis est coriace, sauf que elle va, en marge de cette rencontre avec le ministre là, à Québec, on va fonder officiellement la Fédération catholique des institutrices rurales, qui va être la forme officielle que prendra l'association, et puis là, à la fin de 1939, on profite de la fenêtre de l'élection d'Adélard Godbout, hein, qui va être assez brève, mais qui va permettre quand même aux institutrices de faire certains gains. Déjà, la fédération se porte bien, on va leur donner le droit d'arbitrage, on va s'engager à négocier des conventions collectives, elles vont obtenir certains gains en matière salariale, hein, notamment on va augmenter en 1946 le salaire des institutrices à 600 $ par année, mais les reculs sont considérable aussi, hein, parce que dès 1944, les conventions collectives qui avaient été négociées pour les institutrices arrivent à échéance. Et là, Maurice Duplessis est revenu au pouvoir, ouais. Et c'est face à lui qu'il faut les négocier. Et bien que les conditions salariales se soient améliorées, ben là, les institutrices vont perdre le droit d'arbitrage. Donc, sur le plan syndical et sur l'application des principes syndicaux, il va y avoir des reculs, mais tout de même certains gains en matière salariale. Donc, c'est long, mais elle fera des gains tout au cours de sa carrière, Laure Gaudreau. Il y aura des conditions minimales, une espèce de salaire minimum pour les enseignantes. Donc, gain après gain. Et c'est vraiment une battante parce qu'elle ne lâchera pas le morceau, comme on dit. En 1961, elle a plus de 70 ans, elle va même créer une association de retraités de l'enseignement. Imaginez, pour vous donner une idée du personnage. Ce qui nous amène à parler quand même de ce qu'on en garde, de cette figure-là, de l'héritage qu'elle nous laisse, Laure Gaudreau, et qu'est-ce qui reste de ce combat dans la réalité de ceux et celles qui enseignent aujourd'hui au Québec. Qu'est-ce qui reste en termes d'acquis, Aurélie Langteau, mais qu'est-ce qui reste aussi en termes de revendications encore non satisfaites? Bien, c'est sûr qu'en termes d'acquis, elle nous laisse les bases de structures associatives et du mouvement syndical enseignant au Québec. C'est quand même énorme. Elle n'est pas la seule qui a porté la création des syndicats et l'essor du syndicalisme enseignant au Québec, évidemment, mais sa lutte est vraiment à l'origine de quelque chose. Hein. Elle faisait face à ce moment-là à des défis qui étaient considérables et, comme on l'a mentionné, elle partait de rien du tout. Il n'existait aucune structure pour fédérer les institutrices, donc elle lègue nécessairement ça. C'était une femme aussi qui avait énormément de verve. Là. Je pense qu'elle avait ce talent d'exprimer les enjeux. Elle avait un sens de la justice aussi qui était très manifeste. Pour elle, il s'agissait pas de défendre des corporations ou des objectifs corporatifs dans le cas des syndicats ou de défendre une certaine idéologie. Il s'agissait vraiment de défendre la justice. Elle voyait l'injustice qui était faite aux institutrices et elle trouvait que c'était insoutenable et voulait le défendre. Donc, il y a cet héritage-là, clairement. Pour ce qui est des luttes encore à mener, ben, je pense que sur le front des préjugés qui minent encore les conditions de travail du personnel enseignant au Québec, là, peut-être qu'il reste encore des gains à faire, où je crois qu'on est encore très enclin à voir la profession d'enseignante comme une espèce de vocation où il faut compter sur le don de soi et l'abnégation du personnel enseignant. On est aussi assez peu prompt à reconnaître et à valoriser l'expertise du personnel enseignant, qui, au primaire et au secondaire, est encore en large part féminin. Et donc, il y a encore cette lutte-là qui doit être menée, mais très certainement, l'héritage associatif légué par Laure Gaudreau est considérable. Un coffre à outils qu'elle a laissé au monde syndical enseignant, mais une bataille qui n'est pas gagnée encore et qui n'est pas tant changée, en fait, qui reste à gagner. Pour ce qui est des stéréotypes qui pèsent sur la profession d'enseignant, je crois que oui, c'est une lutte qui doit encore être menée. Aurélie Langteau, c'était un plaisir, chroniqueuse au Journal Le Devoir, rédactrice en chef de la revue Liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.